Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse La diversité et les scènes françaises, une série de Stéphane Bonnefoy réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a une filmographie où les rôles dévolus aux Noirs racontent une société raciste qui s'ignore. Une culture bourgeoise et blanche, des portes fermées et la rage de ne pas se voir sur scène. Mais il y a ceux qui sont passés de l'autre côté et se sont fait leur place. Alors pour commencer, les personnages. Une documentariste transfuge déterminée, Wiseman, Van der Keuken, Chris Marker, des apprentis documentaristes, un comédien, des passants et d'anciens voisins. Ensuite, le décor. Une voiture, un village en Ardèche, un livre de Maspero, des quartiers que l'on quitte, un parking, la cité des 3000, le cours Simon, le RER, un cimetière et des cages d'escalier. Aujourd'hui, 3e épisode, je crois qu'on est perdu. Il est sur mon disque dur, donc si je peux le mettre sur un autre ordi. Et après, vous avez un lien pour... passer de l'ordi à un visio machin, je sais pas comment on appelle ça, un écran. D'accord, bah super. Et en fait, moi, pour moi, c'était un truc très informel avec les étudiants, c'est mon parcours, les films qui m'ont inspiré, tu vois, là où j'en suis, les questions que je me pose pour le prochain. On est d'accord ? D'accord. Alice Diop, voyage au pays du réel. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy. Et Anna Schmuck. Alors, est-ce que tu connais l'adresse ? Ouais. Non, mais on va taper Lusa sur le... Ouais, après je connais, ouais. La direction ? Au Benin. Le Teil au Benin. D'accord, super. Bah oui, ouais. Non, après, je connais. Après. Merci beaucoup, Esther. À tout de suite. Je t'embrasse. Ciao. C'était à qui que tu parlais ? À une nana qui s'occupe du master. Parce qu'en fait, tu sais que Lusas, ils ont créé une espèce de master de réalisation documentaire. Hein. Et en fait, c'est celle qui s'occupe de la logistique, des étudiants. Donc elle m'a dit au Benin et le Teil. Non, mais en fait, je suis effectivement dans un vrai questionnement où je me demande si ce que j'ai à dire est si intéressant que ça. Tellement... Je ne fais que me poser des questions, si tu veux. Donc tout d'un coup, ce truc de masterclass, rien que le mot m'impressionne. Quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux avoir à raconter de si pertinent alors que je suis dans un espèce de bouillonnement de doute, enfin, tu vois, je suis presque dans les mêmes questionnements que les résidents aujourd'hui, quoi, tu vois, par rapport aux films qu'ils vont faire. Donc c'est un peu confus, quoi. Et tout d'un coup, cette espèce de rapport où, de cours magistral comme ça, où tu dois délivrer une parole alors que... Ta parole, elle est nécessairement brouillonne parce qu'elle est en recherche. Si tu passes ça comme ça, m'angoisse, en fait. Et avant, ça m'angoissait pas parce que personne me demandait de faire ça. Et en fait, oui, on m'interroge plus depuis, notamment, enfin, je crois depuis les Césars, hein, parce que finalement, j'étais pas si connue que ça, en fait. Et que ce César a créé une espèce d'attention et de mise en lumière comme ça qui a été très violente pour moi, en fait, je m'aperçois. Surtout parce que je viens du doc et quand tu fais du documentaire, finalement, t'es dans un espèce de rapport tellement humble à ton travail, à ce que tu fais et c'est pas ta personne, tu vois, qui est mis en avant, c'est vraiment moi j'ai un rapport à la parole qui est très particulier, c'est que j'ai toujours l'impression que ce que je dis n'est pas juste, n'est pas précis, n'est pas, et c'est pour ça que je fais du cinéma d'ailleurs, parce que moi j'ai un amour profond pour la langue, et en fait moi, c'est l'art premier, c'est la littérature, donc j'ai un rapport aux mots et au langage qui est extrêmement. Qui est très puissant en fait. Exigeant. Et qui est très exigeant. Et en fait, si je fais des images, c'est parce que pour moi, mon outillage de langage est trop imparfait et trop incomplet pour pouvoir dire précisément l'indicible. Et c'est ça que j'admire extrêmement chez les écrivains. Et du coup, c'est vrai que quand je dois parler. Je suis complètement paniquée parce que j'ai l'impression de jamais dire les bons mots, d'être confuse, de pas avoir une langue et un langage assez précis. Et donc devoir utiliser la langue pour expliquer mon travail, c'est très angoissant pour moi. 24 minutes, ils disent. c'est bon. Et j'écris beaucoup et en fait, je pense le cinéma en écrivant. Le passage à l'écrit me permet de formaliser et de verbaliser le film que je suis en train de faire. Et si j'arrive pas à l'écrire, je pourrais pas le tourner. Donc c'est vraiment pour moi la langue et l'écriture, c'est vrai, fait partie intégrante de ma démarche de cinéaste en fait. Là en fait le film sur lequel je travaille, donc c'est une adaptation d'un livre de François Maspero qui s'appelle Les Passagers du Roissy Express. Il est parti en 89 faire une randonnée autour de la ligne B du RER. Et au-delà des livres qu'il a écrits, il a voyagé vraiment dans énormément de pays. Il a été reporter aussi, je crois qu'il a travaillé aussi à la radio beaucoup. L'idée de ce voyage, c'est lui qui l'a eu. Et il s'était dit, bougre d'imbécile qui veut raconter aux autres le monde des autres, alors que tu n'es même pas fichu de te raconter à toi-même ton monde à toi. Tu peux toujours prendre l'air compétent et professionnel pour annoncer qu'à Shanghai, il y a 2 mètres carrés de logement par habitant, mais que sais-tu de la manière dont on vit à une demi-heure des tours de Notre-Dame? Tu te moques de tous ceux qui vont faire un petit tour en Chine et qui en rapportent un livre, mais toi, que serais-tu capable de rapporter de la Courneuve ou de Bobigny, Pablo Picasso, ou même les métros que tu prends tous les jours dans le pays où tu vis? Toi qui, en bon français, parles-t-on de tout et de rien, est-ce que tu es déjà descendu, rien que pour voir, à Sevran-Bedotte ou au Baconnais, des stations où tu passes si souvent depuis tant d'années? Et l'idée précise de ce voyage-là, il sait bien quand elle lui est venue. Il peut en dire l'année, le jour, l'heure et presque la minute. Un 2 janvier, un 15h30, entre Parc des Expositions et Villepinte. Et c'était pendant ce retour, grisaille, pluie, abandon, dans le wagon vide des heures creuses, qu'il avait eu soudain comme une évidence. L'idée de ce voyage. Et du coup, il a décidé de partir avec une photographe qui s'appelle Anaïk Franck, pour aller randonner autour de cette ligne B, donc qui traverse toute l'île de France, en fait, du nord au sud, en s'arrêtant chaque jour à une gare, en se donnant la peine d'y aller regarder par lui-même et d'aller voir ce qui pouvait exister là-bas, quoi. Et sans être armé par un outillage sociologique ni journalistique, vraiment. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais je... Parce qu'on est au Teil et perdu, d'ailleurs, voilà, entre Lussas et Montélimar. Peut-être pour ça. Assez de grands voyages intercontinentaux, assez de distances parcourues, sans rien voir de plus qu'à travers les vitres embuées du transsibérien. Assez de ciels sillonnés au-dessus des nuages et des océans. Tous les voyages ont été faits. Ils sont à la portée de quiconque peut se payer le charter. Tous les récits de voyage ont été écrits. Et M. Fenouillard a depuis longtemps résumé toute la philosophie des voyageurs. Du Si Yeouki à Paul Morand, en passant par Christophe Colomb. Les étendues secrètes à découvrir, elles étaient là, sous ses yeux, inconnues de ceux-là même qui les traversaient quotidiennement, et souvent de ceux qui les habitaient. Incompréhensible espace désarticulé, de ce qui n'était plus une géographie, et qu'il faudrait bien essayer de réécrire. Bien inconnues ces contrées, et secrètes, oui. Et moi, je l'ai lu il y a une dizaine d'années. Et c'est un livre qui a été extrêmement marquant pour moi parce que il me permettait de revivre et de rendre remarquables des lieux où j'avais vécu qui ne me l'ensemblaient pas en fait. C'est presque comme s'il me redonnait l'opportunité de voir ces lieux en me penchant vraiment sur ce que j'avais vécu. Parce que quand tu viens de ces quartiers-là, en fait, t'es tellement... Enfin, moi, je sais que j'ai été... même si c'était quelque chose de très inconscient, c'était pas du tout quelque chose de conscient, mais en fait, tu es éduqué pour en partir. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas d'autre choix que l'exil, en fait. Il n'y a pas d'autre choix qu'en partir. Et effectivement, investir l'école, investir les études, investir la langue, pour moi, ça a été vraiment des bagages pour pouvoir partir, en fait. J'étais jamais revenue sur ce que j'y avais vécu. Et c'est comme si ce que j'y avais vécu n'était pas digne d'être raconté, en fait. Et ce livre-là, parce qu'il traversait des endroits où j'ai grandi, où je suis née, notamment, il y a toute une partie qui se passe au 3000, à Aulnay... à Sevran-Bedotte, c'était la première fois où je lisais par les mots d'un écrivain des endroits, des territoires, des gens que j'avais connus, parce qu'il y a même des gens que j'ai côtoyés dans le livre, tu vois, et qui me permettaient de les regarder pour ce qu'ils étaient vraiment, et du coup qui m'autorisaient à me remémorer que malgré tout ce que j'avais vécu dans ces endroits-là, était digne notamment de d'être raconté, était digne et que presque c'était et que c'était important de les regarder de cette manière-là, tu vois. On a lu ça, sinon on est arrivé. On va... Alors là, tu peux garer ta voiture là, même derrière l'église. Ou sur le parking, non? Tu sais où ça même... se passe, toi? Ouais, c'est juste, tu vois, derrière la voiture du facteur. Hein. D'accord. Bon, je vais voir si on peut se garer dehors. Par là. Attends, moi, je me mettrai sur le parking. C'est marrant parce que lui, ça, c'est vraiment un village que je connais que l'été. Ouais. Et c'est complètement différent, ça, dans le creux de l'année. Quand tu vas aux états généraux, en fait. Lundi 6 juin, gare du Nord. Attention, ce train est en direction de l'aéroport Charles de Gaulle. Me voilà installé dans la rame du RER B prêt au départ. Merci. Ma première étape, la gare de Villepinte. J'ai appréhendé ce voyage. Je n'ai fait que retarder sans cesse ce départ, par crainte sans doute de ce qui allait se passer. Se mettre dans les pas d'un autre. Appréhender des territoires, le nez en l'air, à la recherche de rien, mis à part ce qui se présentera à moi, est à l'évidence plus difficile que ce qu'il ne me paraissait. Peut-être précisément parce que ces contrées que je m'apprête à traverser ne me sont pas tout à fait étrangères. Enfin, le train démarre. Par la vitre, je contemple un paysage qui m'est tant familier. Et regarder de plus près, ces non-lieux aux abords des rails ont en 20 ans beaucoup changé. Certains terrains vagues ont disparu, remplacés par des immeubles en verre imposants et modernes. C'est le cas autour de la station La Plaine. Et plus le train s'enfonce vers le nord, et plus l'immuabilité des paysages semble figer le temps. Il y a parfois quelque chose de très beau dans ces paysages traversés. Je songe que plus tard, le cinéma devra en rendre compte. Donc, bienvenue. Merci. Après, je sais pas, il est souvent dans les autres bureaux. Ah oui. Vous avez été aussi nombreux. C'est. Non, c'est bien. Il y a chaque fois qu'on J'espère que ma voix va suffisamment porter, c'est pas forcément... Ça va ? Pour tout le monde. Bon, c'est un peu impressionnant quand même, cette liste de masterclass. J'en ai fait une l'année dernière, mais c'était beaucoup plus intime, on était 10. Et en fait, pour vous dire, je ne l'ai pas du tout pensé comme un cours magistral, mais plutôt comme une discussion. Et en fait, j'ai aucune réponse, et j'ai juste des interrogations sur ma manière de travailler, ma manière de faire, que je voulais partager avec vous. Moi, j'ai fait essentiellement des documentaires. En fait, je n'étais pas du tout cinéphile. J'ai grandi dans une cité du 93, la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Moi, j'ai fait des études d'histoire à la Sorbonne. J'ai étudié l'histoire africaine et je me suis spécialisée sur l'histoire du colonialisme, l'histoire de l'Afrique contemporaine. J'en parle parce que je pense que c'est quand même lié au film que je fais et au film que j'ai envie de faire. Quand on étudie l'histoire africaine et notamment l'histoire du colonialisme, on a l'impression que c'est l'histoire derrière le rideau. Enfin, j'ai étudié l'histoire pour ça, pour me rendre compte qu'il y avait vraiment tout un récit national qui n'était absolument pas médiatisé, qui n'était pas du tout travaillé, qui n'était pas du tout pensé. Et en fait, mes études d'histoire m'ont vraiment permis de conceptualiser ça, en fait. Et au fond, tous les films que je fais sont des films qui ne cessent d'interroger le récit national et le roman national français. Et je crois que cette nécessité-là et cette conscience-là m'est venue de mes études d'histoire. C'est-à-dire qu'on va étudier l'histoire de la 4e République ou l'histoire de la 3e République, on va étudier l'histoire de la liberté de la presse, etc. Et dans le même temps, des gens qui portaient un discours humaniste et un discours politique extrêmement fort ont des gens qui ont, pas valorisé, mais qui ont avalisé et légitimé l'entreprise coloniale. Donc quand on est conscient de ça très jeune, forcément ça impacte. Et dans le cadre d'un cours, ma prof d'histoire nous a montré un film d'Éliane Delatour qui s'appelle Comptes et Comptes de la Cour. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai été en contact avec à la fois le documentaire et en même temps le cinéma. Et ce film, Comptes et Comptes de la Cour, il me semble que c'est son premier film sur la société Mossi, une société au Niger. Et j'ai eu un espèce de choc total, parce que je me suis aperçue qu'on pouvait dire des choses extrêmement complexes, extrêmement puissantes, en utilisant comme moyen le cinéma. Et du coup, je me suis arrêtée et je me suis dit que finalement, mes études universitaires, même si elles avaient été assez intellectuellement extrêmement stimulantes, j'avais l'impression que toutes les recherches que je faisais étaient complètement restreintes et que la poésie et le cinéma étaient le langage premier et pas autre chose. Ça a complètement changé ma trajectoire. Et du coup, j'ai pris un an où j'ai abandonné mon travail de mon mémoire de DEA. Et je suis allée à la BPI et pendant un an, j'ai regardé énormément de films à la BPI. Et donc j'ai découvert le travail de Chris Marker, le travail de Wiseman, le travail de Van der Kuiken. Et là, j'ai su que c'était ça que j'avais envie de faire et que c'était qu'il y avait quelque chose à travailler là. Et en fait, j'avais envie de vous montrer le premier film. C'est un film que j'ai très peu montré, enfin, presque que j'ai jamais montré comme ça, où j'ai travaillé sur la question des ouvriers africains. Enfin, le sujet, c'était les ouvriers africains face à l'exil. Et moi, en fait, plus j'avançais dans mon travail de recherche et plus j'avançais dans les questions sociologiques, plus j'avais envie de filmer mon père. Parce que mon père est arrivé en France dans les années 60, qu'il a été ouvrier dans l'automobile et qu'il était incapable de... Enfin, qu'il n'était jamais... À la retraite, il n'était pas rentré au Sénégal alors que tous les ans, il disait qu'il allait rentrer. Et j'ai essayé de le travailler de façon très personnelle, et justement en essayant de travailler ce problème de légitimité que j'avais à devenir cinéaste, mais aussi ce problème de légitimité que j'ai eu et que j'ai sans doute encore aujourd'hui, d'être venu au cinéma par moi-même. Et pas par une école de cinéma comme la Fémis, etc., où on apprend à maîtriser les formes. Et tu trouves pas que c'est un peu... une vision de l'Afrique qui est quand même un peu du rêve, quoi, quand même. Ah oui, faut rêver, faut rêver un peu. On ne peut pas voyager, il faut rêver comme ça. Le Sénégal, il y a des nations que je n'ai jamais été, mais aujourd'hui, ici, j'ai des cassettes pas mal sur le Sénégal. Il fallait venir ici pour découvrir le Sénégal. Le Sénégal, c'est joli, hein. La Casamance. Encore 2 heures de voyage à travers les méandres de la mangrove pour rejoindre le village des Banabana. La côte de Casamance est un labyrinthe compliqué où seules les pirogues osent s'aventurer. Là, je connais ça. Tu connais ? C'est pas la même chose, mais là où j'ai habité, c'est presque pareil, quoi. C'est presque la même chose. Mes parents ont été heureux ici. Les huîtres, c'est la spécialité de Casamance, une denrée de luxe qui s'arrache. Je me suis aperçue au cours de l'année que finalement, dans son salon, et son rapport complètement obsessionnel qu'il avait avec ses cassettes vidéo, tous ses reportages documentaires qu'il regardait de ses émissions comme Thalassa, Faut pas rêver, Lonely Planet, c'est toutes ces émissions qui fabriquaient en fait une Afrique totalement fantasmée, alors que l'Afrique réelle, il était incapable d'y retourner. J'avais l'impression que là, à travers sa vie extrêmement intime et son parcours très personnel, disait des choses beaucoup plus qui le dépassaient lui, en fait, et qui parlait de l'exil, qui parlait de qu'est-ce que ça veut dire de passer une vie 30 ans dans un pays qui n'est pas le sien et d'être complètement perdu entre deux rives, en fait. J'avais l'impression que cette impossibilité du retour était quelque chose de très douloureux. Et donc, à travers lui, à travers ce que je voyais de lui, ce que j'observais de lui au quotidien, pour moi, c'était beaucoup plus fort de mettre ma caméra dans son salon à lui plutôt que de faire des entretiens avec un certain nombre de retraités pour appréhender cette question sociologique. Moi, j'ai l'impression que le privé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas partager. Mais par contre, l'intime, c'est quelque chose qui peut être partagé, c'est quelque chose qui peut devenir universel et c'est ça qu'il faut construire, en fait. Pour aller de chez nous à Dakar, plateau, je demandais des renseignements Ces personnes ne comprennent plus quel chemin prendre, quel bus prendre ou quel taxi prendre. Ah, j'ai plus trop de terrain. Ah oui, ça, ah oui. Ça t'a fait drôle, ça t'a fait drôle. Ah, ça me fait drôle, hein. Ça me fait drôle, tout a changé. Mon père, tel que je l'ai filmé, c'était aussi regarder des gens qui n'ont jamais été regardés, enfin, qui n'étaient pas regardés, je dirais pas jamais, parce qu'il y a quand même eu des gens avant moi. Enfin, j'ai revu Tony, de le film de Renoir. Il y a quand même une cinématographie autour des classes populaires, mais c'est vrai que c'est pas le cinéma qu'on nous enseignait, c'est pas le cinéma que je voyais. Et finalement, les classes populaires, je les voyais beaucoup plus dans le cinéma documentaire que dans le cinéma de fiction, par exemple. Donc j'avais l'impression que ce que j'entendais, ce que je lisais, ce que je percevais du lieu où je vivais n'était pas du tout, ne correspondait pas du tout à ce que j'avais vécu, en fait. Il y a une forme de colère et une forme de rage qui a forcément émaillé tout mon parcours. Une rage et la violence de voir effectivement comment mon père était traité, mon cinéma, il vient aussi de là. Je veux dire, on a été la voix de nos parents. Mes parents, ils étaient analphabètes tous les deux, ils maîtrisaient absolument pas la langue. Et je me souviens à quel point mes sœurs et moi, on a pu être la voix de nos parents. On a pu les protéger de cette violence raciste qu'ils subissaient sans forcément pouvoir la nommer. Mais c'est des choses que tu vois. Tu vois la manière dont les gens s'adressent à eux. Tu vois, je voyais très bien la manière dont les profs les considéraient. Enfin, et donc ça, c'est quelque chose qui t'habite. Et je pense que c'était à la fois hyper violent. Et en fait, j'ai compris très vite qu'il était nécessaire pour moi de maîtriser la langue pour pouvoir être outillé pour combattre entre mes ennemis de classe, en fait. Villepinte. La gare de Villepinte se situe à 25 minutes à pied des habitations les plus proches, à savoir la cité des 3000. Pour y accéder, il faut traverser le parc départemental du Sausset, qui sépare la ville de Villepinte de celle d'Aulnay-sous-Bois. En sortant de la gare, j'ai laissé derrière moi l'arrêt du 615 vide et me suis engagé dans l'allée principale du parc. Plutôt que de la descendre jusqu'à la cité, j'ai pris une contre-allée et me suis baladé à l'intérieur du parc. Je ne m'étais jamais attardé sur ce qu'il a à offrir. Ce parc n'a toujours été qu'une voie d'accès pour me rendre à la gare. Mon père, lui, y venait chaque matin s'y promener. Moi, je ne l'ai jamais emprunté que pressé, dans la crainte de rater mon train. Pour la première fois, j'en apprécie la beauté, quand bien même celle-ci est artificielle. Et soudain, je l'aperçois. Un petit banc en fer, près du lac, au loin, le RER défile. Sur ce banc, j'ai filmé mon père. J'ai retrouvé tout. Le cadre, l'emplacement de la caméra. Rien n'a changé en 10 ans. Je me suis assise sur le banc, un long moment, avant de reprendre la route. Je me suis dit qu'il fallait juste que je tienne un carnet de notes et que j'écrive tout ce que j'avais vu, tous les gens que j'avais rencontrés et les impressions que j'avais eues, et que c'était dans l'addition, dans la complexité de ce flot d'impressions que j'allais approcher quelque chose de la justesse de ce que c'est que ces quartiers-là et de ce que c'est que ces quartiers-là par rapport à au centre et par extension de ce que c'est que la France, en fait. Parce que cette ligne-là, qui est très particulière, pour moi, elle traverse quelque chose de la France, et elle traverse toute la périphérie. Mais cette périphérie-là, j'ai l'impression qu'elle raconte et qu'elle dit quelque chose de la société française et qu'elle dit quelque chose des bouleversements que nous traversons. Drancy. Donc j'ai fait Villepinte, Sevran-Bedotte, Aulnay, Blanc-Ménil, la gare de Drancy, le Bourget, je me suis arrêtée à Aubervilliers-la-Courneuve et la plaine voyageur. Donc tout ça, j'ai fait ça l'été dernier, quasiment un mois. Et moi, je ne suis pas comme Maspero, c'est-à-dire que je ne reste pas forcément une journée. Il y a des endroits où je suis restée 4 jours. Par exemple, à Aubervilliers et La Courneuve, je suis restée 4 jours dans une casse, dans un terrain vague, où j'ai passé beaucoup de temps avec une communauté de clandestins. Et d'ailleurs, je pense que j'aimerais beaucoup que l'un d'entre eux soit un personnage du film. Ensuite, donc lui, il ne fait pas du tout les gares de Paris. Donc là, la semaine dernière, j'ai repris et j'ai fait Gentilly, La Place, Arcueil-Cachan, Bagneux, et je me suis arrêtée à Bourg-l'Arrée. On me dit, mais alors qu'est-ce que t'as vu? C'est presque la phrase de Marguerite Duras dans Hiroshima, c'est je n'ai rien vu à Hiroshima, c'est-à-dire que je ne peux pas dire ce que j'ai vu, mais je ne peux que montrer dans l'addition de toutes les images que je vais prendre, dans l'addition de toutes les histoires que je vais récolter, dans la chronique de toutes les choses que je vais raconter, et ben c'est ça qui va en dire quelque chose, mais je ne pourrais pas l'enfermer dans un discours. Et c'est ça qui est très beau dans Maspero, c'est qu'on lit le livre, tout d'un coup on a une vision extrêmement précise de la vie en France en 1980. Mais on peut pas dire, voilà, il a parlé de ça, il a parlé de ci, il a parlé de tellement de choses, de façon tellement juste, que c'est le projet du livre, en fait. C'est de mettre en échec le discours. Et moi, j'ai envie de faire la même chose avec le cinéma. Mais pour ça, il fallait que je reparte comme ça, à nu, comme lui, et que je fasse le compte-rendu de ce que j'avais vu. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très particulier cet exercice que tu me demandes de faire, c'est-à-dire de lire uniquement des extraits. Parce que j'ai l'impression que déjà, choisir des extraits, c'est déjà, d'une certaine manière, réduire toute la complexité de ce que j'ai vu. Moi, j'ai l'impression qu'on va s'en sortir grâce à la complexité, en fait. Et voilà, si on n'est pas capable de dire la complexité, alors il faut qu'on soit réduit au silence parce qu'on n'entend plus rien. Et je pense que le cinéma permet peut-être de mettre des images sur ce qu'on n'entend plus. Et ça, pour moi, c'est hyper important, quoi. La cité des 3000. Comment traduire par le verbe le flot d'émotions, d'impressions vécues, ressenties, dans le désordre où elles me sont apparues? C'est sans doute à partir d'elles, si j'arrive à les nommer, à les ranger, à les mettre en récit, que la violence, tout comme la nécessité de cette marche, et par extension de ce film, pourra se partager, se comprendre. Pour entrer aux 3000 depuis le parc du Saussay, il faut traverser une route départementale et s'y engager par la rue Henri Matisse. Au début de la rue, un jeune homme, perché sur un mur assez haut, m'a interpellé pour me complimenter sur mes locks. Il roulait tranquillement un joint. Les bâtiments repeints ont fait les frais de la rénovation urbaine. Désormais, une même enceinte ferme l'accès aux 5 bâtiments depuis la rue. Mais cette grille m'évoque plus l'enceinte d'une prison que l'entrée d'une résidence. Ma rue, mon immeuble. C'est une impression étrange que de contempler le saccage d'un lieu qui vous a été si familier. Je rentre au numéro 1 de la rue de Bougainville. Devant l'ascenseur, je me tâte. Au bruit étrange du système mécanique, je me dis que c'est peut-être plus sûr de prendre les escaliers. Mais ce qui se passe quand j'ouvre la porte de la cage d'escalier, je ne l'avais pas prévu. La peinture verte, écaillée, n'a pas bougé. Je retrouve tout. Les odeurs, c'est ce qu'on oublie le moins. La lumière, les inscriptions sur les murs. Je suis assaillie par un flot d'images, de souvenirs que je n'avais jamais reconvoqués. D'où la violence sans doute de la décharge. Je retrouve tout, les bons comme les mauvais souvenirs, les mêmes petits carreaux bleus au sol sur le palier. Me voici devant la porte, au 4e étage. J'hésite à frapper. Qu'est-ce que je vais bien raconter à la personne qui ouvrira? Je frappe, personne ne répond, je suis déçue. Et quand tu retournes dans ton immeuble où tu as grandi, aux 3000, à Aulnay et ailleurs, est-ce que tu jettes un regard différent sur ce que tu as vécu? J'y suis retournée qu'une fois dans le cadre de ce voyage. Moi, j'ai eu une enfance extrêmement heureuse. C'est-à-dire que c'est ça qui est paradoxal. C'est que ma vie à Aulnay, aux 3000, elle a été merveilleuse. Ça a été un territoire d'enfance. Donc, j'ai plaisir à me souvenir. Mais donc, paradoxalement, je ne me suis pas souvenue pendant des années comme si, en fait, ces souvenirs n'étaient pas dignes d'être racontés. Parce que j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas me croire on ne pouvait pas évoquer des jours heureux dans ces endroits-là. Pendant très longtemps, je ne me suis pas souvenue. Mais déjà, avec qui se souvenir? Parce que d'une part, j'ai plus. Enfin, à part avec mes sœurs, mes amis d'enfance, je ne les croise plus, je ne les vois plus. C'était pas du tout un mépris que j'avais par rapport au milieu dans lequel j'évoluais. Mais peut-être qu'en tout cas, à travers l'école ou à travers des injonctions très inconscientes de mes parents, il y avait l'idée qu'il fallait partir, que l'avenir c'était l'ailleurs, c'était aller à Paris, c'était. J'arrive toujours pas à accepter et à comprendre l'énorme deuil. Le fait d'être un transfuge de classe, d'une certaine manière, vous condamne à une certaine solitude. Et en fait, c'est comme s'il fallait effacer. En tout cas, tout ce qu'on avait vécu auparavant était totalement effacé. Et du coup, lire ce livre, lire les mots d'un écrivain qui revenait dans des endroits où j'avais vécu pour les décrire, c'était quelque chose de... Ça m'a paru complètement agressif. Et presque, la première fois que je l'ai lu, il y a eu presque un contresens. C'est que j'avais tellement pas envie de me confronter à cette culpabilité de moi d'avoir complètement quitté ces endroits-là, que j'avais l'impression qu'il décrivait des choses extrêmement négatives, alors ce qui n'est absolument pas le cas, quoi. C'est-à-dire que Maspero va marcher dans des endroits qui ne sont pas du tout prévus pour être visités en marchant. Dans des non-lieux, dans des lieux où on ne se rend jamais, si ce n'est quand on a une raison précise. Et raconte quelque chose de ces territoires qu'effectivement même les gens qui y vivent ne voient pas, parce que les gens qui y vivent, ils passent de Sevran, de La Courneuve, de Bourget à Paris, enfin, ou en tout cas ils vont travailler, mais il y a quelque chose de la vie dans ces endroits-là qu'on a du mal à penser, à se représenter en fait, alors même qu'on y vit, alors même qu'on y aime, alors même qu'on y... On y a des amitiés solides, alors même qu'on vit en communauté, alors tu vois, c'est ça qui était très dingue, c'est que tout ce qu'on y vivait, en fait, ces petits riens de la vie de tous les jours, hein, tout d'un coup, il les rendait totalement remarquables et il les anoblissait presque par la littérature. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a profondément bouleversée, en fait. Je redescends l'escalier le cœur lourd. Devant les boîtes aux lettres, je reconnais un nom, Mariko. Madame Mariko, c'était la copine de ma mère, une Sénégalaise qui habitait au premier étage. Je remonte au premier et frappe à une porte au hasard. Une jeune fille m'ouvre la porte. La famille Mariko, elle ne connaît pas. Peut-être au deuxième, il y a une famille africaine. Et moi, je suis sûre qu'ils étaient au premier étage. Je frappe à la porte de droite. Un jeune garçon m'ouvre la porte. La famille Mariko, c'est au fond du couloir à gauche en sortant de l'ascenseur. Je frappe. Un homme noir ouvre la porte. Je lui explique que je passe par hasard dans le quartier et que je viens visiter Madame Mariko. En disant ça, tout à coup, j'ai un doute. Et si elle était morte? Je lui demande s'il se rappelle de la famille Diop, au quatrième étage. De ma mère, mes frères et sœurs? Non. En sortant de l'immeuble, j'ai soudain un grand découragement. Je me sens totalement déprimée par mon arrivée au 3000. Je ne sais pas au fond ce à quoi je m'attendais. Il faut absolument que je retourne tout à l'heure voir Madame Mariko. J'ai besoin de croire à cet instant que lorsque les gens partent, il reste des gens pour se souvenir d'eux. Que tout ne se volatilise pas simplement. Une famille d'immigrés en remplaçant une autre. J'ai besoin de croire que ce que nous avons vécu ici a pu sur des gens laisser des traces. On ne sait pas où sont les loges, donc vous mettez les affaires dans la salle. D'accord. Ça, vous le mettez par là. Parce que ça ne sert qu'une fois. Dans un coin, ça ne bouge pas. Soyez discret quand vous êtes dans le théâtre, si vous voulez vous parler. Hein, parlez en voix blanche. Et puis, pour l'instant, c'est tout. Donc, le premier plat à feu, tu me proposes quoi? La mort de Danton, 2011. Oui, vas-y, pardon. Il faut un plein feu chaud, c'est en Afrique. Alors là, le quelque chose, oui, hein. On rôtit. Et c'est la musique qui part. Plus fort! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai l'honneur de vous raconter une petite histoire. Il était une fois un nègre... Hop, hop, hop! On dit plus un nègre aujourd'hui. C'est impoli. On dit un noir. Eh oui, un noir. Il était une fois un noir. Très bien. Dans un restaurant universitaire d'une grande nation... Tu vois, par exemple, la mort de Danton. Quand on parle de la question du racisme, quand on parle de l'impensé du racisme en France ou de la violence insidieuse et silencieuse que produit une société qui ne se pense pas raciste et qui pourtant l'est, quand tu en parles, personne ne t'écoute. Oh là là, tu es communautariste, oh là là, c'est pas vrai, oh là là, tu es paranoïaque. Tu vois, donc, et en fait, tu ne peux pas en parler. Et tout d'un coup, le fait de le mettre en forme dans un film en mettant en scène le parcours de Steve... Regardez. Il vit comme ceci. À la fois la place qu'il avait, la manière dont les gens lui parlaient, mais pas que le prof, c'est-à-dire même les autres comédiens. La position, le rapport au corps, la manière dont lui se mouvait dans l'espace, en quelque part en se cachant et en voulant disparaître, quoi. Alors que je veux dire, s'il fait 1m92, il est extrêmement grand, extrêmement imposant. Et je voyais même dans son attitude corporelle, comment en fait il voulait disparaître, comment il avait peur de lui-même, quoi. Il y avait quelque chose. Donc en fait, je percevais cette violence à plein d'endroits. C'est-à-dire, on doit interpréter un rôle, on doit jouer un rôle, et en fait, on est enfermé dans ce corps, dans cette couleur, et questionner ça dans une scène de théâtre, dans le travail entre un metteur en scène et Steve, bah tout, voilà, ça, tout se rassemblait là. Il y a beaucoup de gens, et les spectateurs ont vu des choses que je n'arrivais pas à exprimer par le langage, et du coup, par le cinéma, ont accédé à quelque chose d'une vérité de cette expérience-là. Et toi, là où t'en es par rapport à ta formation ? Ben, ça devient de plus en plus difficile. Autant le boulot que autant le... avec les gens du cours, t'as vu ? Je me sens seul, là, c'est vraiment dans mon coin, t'as vu ? On dirait que nous, on n'est pas... Les gens comme nous, on n'est pas dans leur tête, toi. Le cinéma, le théâtre, c'est pas pour les rebelles, on dirait. On va peut-être nous voyer rappeurs ou footballeurs ou faire le même boulot que papa ou maman, ramasser les papiers et tout, sans plus, mais après, nous, on n'est pas dans leur programme. La preuve, ils ne savent même pas nous choisir des scènes. Tu penses que ton prof, il ne sait pas choisir des scènes? Il me dit chercher des scènes de noir. C'est moi ou toi le prof? C'est toi qui dois me donner les scènes, j'ai pas à chercher. Hein. Il te dit chercher des scènes de noir? Un jour, il m'a dit, vous connaissez pas des auteurs noirs et tout? Pourquoi? Pour me donner ces scènes-là. Bon, les mecs, ils sont encore à l'ancienne. Encore que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Mon coucou. Pareil, Danton, pareil. Je peux la jouer, non, il n'y avait pas de noir à ce moment-là. Putain, je suis là pour la travailler. Quand j'allais aller. C'est-à-dire, je comprends pas, tu sais quoi cette histoire avec Danton ? Danton. Je lui ai demandé si je pouvais faire Danton. Non, non, c'est pas possible, ça ne me va pas, il n'y avait pas de noir à ce moment-là. Je dois passer par là. C'est ce que je me dis, même si c'est injuste. Je dois passer par là. Merci à un tabouret qui est là. Comment expliquer la violence que j'ai subie en arrivant à la Sorbonne, la violence de certaines réflexions de mes professeurs qui me demandaient « Mais vous êtes une enfant diplomate ?» Je fais « Bah non, pourquoi vous me demandez ça ?»« Oui, parce que vu la qualité de votre langue, je pensais que votre père était ambassadeur. » Je fais « Non, mon père était ouvrier. » Enfin, tu vois, c'est la violence de toutes ces phrases. La violence de se retrouver à la bibliothèque de la Sorbonne et d'apercevoir que tu es la seule noire de tous les gens présents. La violence, enfin, tu vois, de devoir systématiquement... la violence d'être renvoyé à ton origine, la violence d'être renvoyé au territoire, là. Enfin, tu vois, tous ces mots, toute cette violence de comment la penser, comment en parler sans être confondu par, sans pouvoir l'exprimer tellement tu es dans la haine, sans arriver à mettre en forme cette violence-là. Enfin, tu vois, en fait, c'est toutes ces questions-là qui m'ont mue dans la création et dans l'écriture de la mort de Danton. Et ça m'a presque soignée. Non, parce qu'il faut quand même que tu sois conscient que ce que tu vis, c'est pas anodin. Je veux dire, c'est pas une question de toujours ramener le mec de cité qui s'en sort et tout. Je veux dire, c'est que ton parcours, même si tu le minimises, il est pas facile. De changer comme ça de milieu, d'essayer de t'imposer dans un endroit qui est pas le tien, de te sentir légitime là où t'as jamais été légitime, au-delà d'une question sociale. C'est aussi tout simplement toi, dans ta confiance. C'est pas facile, tu vois. Est-ce que tu crois pas que peut-être il est venu le moment d'en parler à tes amis, tu vois, de leur en parler, de tu vois, de pas vivre ça comme une espèce de cow-boy solitaire qui est tout seul, qui prend son RER, qui va sur Paris. Peut-être que t'as trop cru que t'avais les épaules pour faire ça, pour l'assumer, et que là, au bout de 2 ans et demi, tu t'essouffles, quoi. C'est quoi cette peur de l'avenir? C'est de pas réussir. C'est d'avoir fait ça pour rien. Quand je venais déjà avec mon cadreur blanc, il s'adressait à mon cadreur sans s'adresser à moi. Il dit, mais c'est elle la réalisatrice. Et en fait, il ne pouvait pas intégrer que je puisse être réalisatrice, quoi. Et en fait, j'en ai nourri une espèce de colère. Enfin, ma position au Cours Simon, c'est-à-dire que je filmais quelque chose d'extrêmement violent, mais ma position au Cours Simon était aussi extrêmement violente parce que je me sentais totalement niée et totalement effacée. Et je n'avais pas envie de lui dire ce que moi je voyais. Et ce que je voyais, j'étais effarée par ce que je voyais, en fait. Et je m'interdisais de le dire, donc c'était quelque chose que j'ai porté pendant tous les mois de tournage. Et en fait, c'est au montage, je me souviens que ma monteuse m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Elle m'a dit, parce que j'étais là, oui, tu te rends compte, le prof, ce qu'il faisait, mais c'est un scandale. J'arrêtais pas de lui raconter les dessous du tournage, etc. Et elle me disait, écoute, moi, j'étais pas au tournage. Maintenant, on va faire un film. On fait pas un film pour régler ses comptes avec le prof qui a été méchant. C'est pas à cet endroit-là que ça doit se situer. On fait pas un film. On fait pas d'un film un pamphlet antiraciste, etc. Il faut qu'on fasse le film à faire. Et c'est ça qui compte. Alors, mercredi 20 juillet, Le Bourget. Je reprends le bus 143, direction la Courneuve. Seule la Nationale 3 sépare l'aéroport d'aviation privée du Bourget et son défilé de limousines et grosses berlines des cités du Blanc-Mesnil. Patron pressé du 440, stars de la pop et hommes politiques viennent y prendre leur jet privé. Je prends un ticket pour visiter le musée et je suis ému en pénétrant le hangar où sommeille dans une nuit éternelle le majestueux Concorde, vestige de la promesse déçue des années 80. Pourquoi donc la vue de cet avion me rend-elle si mélancolique? Peut-être que cet objet me raconte un autre crash, plus métaphorique, celui d'une certaine idée de la grandeur française. Ce voyage-là, pour en garder trace, il fallait que je passe par l'écrit. Et d'ailleurs, heureusement que je suis passée par l'écrit, parce qu'il y a certains endroits que j'ai visités qui n'existent déjà plus. C'est ça qui est très étonnant en banlieue, à quel point les choses sont mouvantes. Et donc de passer par l'écrit pour fixer quelque chose, c'était bien. Pourquoi je suis pas partie avec une caméra et ni un appareil photo comme fait Maspero? Je voulais pas du tout m'encombrer de ça. Je voulais me laisser totalement libre de mes impressions, de mes émotions. De deux, je crois qu'il faut réinventer d'autres images. Et pour réinventer d'autres images, ça prend du temps. Et en fait, je le travaille en partant avec Benoît, qui est un aquarelliste. Et en fait, ça a été un vrai bonheur. Et c'est un vrai bonheur de faire ce trajet avec lui, parce que la douceur de son aquarelle, en fait, elle me permet de revisiter ces endroits et de m'interroger sur la manière dont je pourrais les filmer. En même temps, il y a un rapport à la lumière que je trouve très beau. Et lui dessinant, enfin les rencontres que j'ai faites grâce à lui, ça a été assez dingue. C'est-à-dire que les gens, tout d'un coup, vous voyez cet homme posé comme ça au 4000 ou même partout, là où partout où je suis allée, partout il a dessiné. Les gens s'arrêtaient, le regardaient dessiner, le remerciaient de le dessiner. Enfin, tu peux pas savoir le nombre de gens qui nous ont fait des coups parce que Benoît les dessinait. Enfin, c'était assez. Ils étaient honorés en fait, honorés d'être regardés avec quelqu'un qui prenait le temps de les regarder vraiment. Et donc ça dit quelque chose aussi du besoin que les gens ont qu'on ait sur eux un autre regard aussi. Lundi 15 août, zone industrielle de la Courneuve. La Courneuve, Aubervilliers. Hormis quelques touristes, peu de monde emprunte le RER qui mène aujourd'hui jusqu'à la gare d'Aubervilliers-la-Courneuve. Un territoire de friches, de fourrières, de casses et de décharges. Je ne croise pas grand monde. J'arrive bientôt devant un hangar ou une casse. Derrière le grillage, j'observe des hommes d'origine africaine qui s'affairent. L'un d'eux vient à ma rencontre. Il s'appelle Brahim. Il me demande si je suis perdue. Je lui réponds que me perdre est précisément mon but. Je lui récite mon speech, le livre de Maspero, le RER, le nez au vent. Je ne sais pas s'il n'y entend grand-chose, mais il m'invite à entrer et me présente Ismaël et Aboubacar. Je suis retournée voir certaines personnes que j'ai rencontrées comme ça dans le cadre de ce premier voyage, avec l'idée de construire avec eux un film, avec l'idée qu'ils soient en fait des personnages dont je ferai le portrait. Et pour l'instant, l'idée que j'ai, mais peut-être que ça va changer dans le cours de l'écriture, c'est de prendre cette ligne et de faire un recueil d'histoires ou un recueil de nouvelles ou un recueil de chroniques qui jalonnerait tout le parcours en fait de Roissy à Saint-Rémy-des-Chevreuses. Donc j'aimerais beaucoup... par exemple, faire le portrait de ma sœur, qui est infirmière libérale à Drancy, et avec qui j'ai passé une journée qui m'a profondément bouleversée dans le rapport qu'elle avait avec ses patients, le fait d'aller avec elle d'immeubles HLM en petit pavillon comme ça, de rentrer dans l'intimité de ses patients, dans leur intimité de leur relation. Et bien, c'est quelque chose qui nous enseigne, enfin, ça m'a enseigné beaucoup, beaucoup de choses sur... effectivement l'état de relégation de certaines personnes, la misère économique, la misère affective dans lequel beaucoup de ces patients sont maintenus. Et pour moi, c'est très édifiant. Faut que je passe beaucoup plus de temps, parce que là, je te lis vraiment des impressions sur la base d'un travail de repérage qui a été pas encore assez dense pour moi. Quand il me tend la main, je m'aperçois qu'Ismaël a une plaie ouverte et suintante. Il s'est coupé en réparant un camion. Je lui suggère d'aller voir un médecin ou une infirmière. Mais ce qui l'inquiète lui, c'est qu'il ne pourra pas travailler pendant une semaine. Ce garage est un entrepôt de poids lourds, chargé de faire route une fois par mois vers le Mali, rempli de toutes sortes de marchandises que les émigrés de France expédient au pays. C'est une entreprise clandestine. Ismaël, Aboubacar et d'autres sont les mécaniciens sans papier qu'emploie le propriétaire des lieux. Brahim, lui, est un franco-sénégalais, né à deux pas d'ici, à Aubervilliers. Il a découvert le garage il y a 20 ans, alors qu'en vélo, il arpentait l'été avec les autres gosses du quartier les terrains vagues autour de chez lui. Il me dit connaître le 93 comme sa poche, et me donne des conseils d'endroits qui valent le détour. Il dit tout savoir du Bourget, de la Courneuve ou d'Aubervilliers, et je me dis que c'est lui le Titi du 21e siècle. Aboubacar revient de l'épicerie avec un sachet de poisson surgelé. Il m'invite à partager leur repas. Une soupe de poisson qu'il commence à préparer, pendant qu'assis tranquillement sous le camion, Brahim, Ismaël et moi sirotons une bière. Je me sens bien avec eux, même si finalement nous échangeons très peu. Plus ils fument, plus ils se taisent. Et moi, je ne romps pas le silence. Ce que je vois de leurs yeux éteints, fatigués, en dit plus long que la bonhomie un peu surfaite avec laquelle Brahim a tout à l'heure accueilli. La nuit tombe. Nous finissons notre repas en silence. Les nuits de ce voyage sont, je me rends compte, souvent très propices à la mélancolie. Peut-être que l'obscurité ne nous oblige plus à endosser un rôle. En tout cas, en cette heure-ci, endolorée par l'effet du joint, mes convives me paraissent seuls, peut-être même un peu tristes. Par exemple, j'ai rencontré donc Ismaël, un mécanicien sans papier qui vivait à l'époque sous le pont de la A86 dans la zone industrielle de la Courneuve. Et lui, je suis retournée le voir et depuis un mois et demi, deux mois, je suis quasiment en immersion avec lui et je passe beaucoup de temps avec lui. Et je sais que ça va être un personnage du film, je sais qu'il raconte quelque chose d'éminemment intéressant sur l'invisibilité de ces hommes-là qui vivent presque... invisible aux yeux même de gens qui habitent au Bourget. C'est-à-dire qu'on parle des banlieues comme le territoire d'une relégation, et bien à l'intérieur même de cet espace-là, il y a des gens qui ne sont même pas visibles pour les gens qui y vivent. Donc là, je suis vraiment à la marge de la marge, et je suis dans le quotidien, dans la vie d'un clandestin de 42 ans qui s'est totalement fait à cette condition de clandestin et qui me permet de traverser un monde qui m'était totalement inconnu et qui est... qui me reste encore insaisissable, tellement c'est bouleversant. C'est-à-dire que Vraiment, c'est des gens qui sont profondément abîmés. Et Ismaël, c'est presque le seul qui tient debout. Et c'est celui, en fait, qui tient toute la communauté d'autres d'hommes sans papier, dont plein d'autres sont beaucoup plus jeunes que lui, ont entre 20 et 30 ans, et qui sont totalement alcooliques, complètement dans une apathie et dans un désespoir de ne pas travailler, de ne pas avoir de possibilité de travailler, de ne pas avoir d'argent, qui vivent dans la rue. Et lui, en fait, grâce à son activité de ferrailleur et de mécanicien un peu clandestin, si tu veux, ça lui permet d'avoir un peu d'argent pour nourrir toute une communauté de gens qui n'ont pas du tout la hargne qu'il a et qui sont beaucoup plus rompus et beaucoup plus abîmés que lui. Et donc c'est à la fois très dur de voir ça et en même temps il y a quelque chose d'assez lumineux dans le personnage qu'il est. J'ai encore besoin de passer du temps avec lui parce que ça questionne aussi ma place. C'est que je suis avec des gens et dans des endroits tellement fracassés que j'ai encore du mal à me dire comment je pourrais en rendre compte sans tomber dans une forme de voyeurisme ou... Je suis encore en train de trouver ma place. Là, la semaine dernière, j'ai repris et j'ai fait Gentilly, La Place, Arcueil-Cachan, Bagneux et je me suis arrêtée à Bourg-l'Arrée. Et c'était une expérience de grande solitude de marcher dans ces endroits, dans cette banlieue sud. Mais je me suis rassurée parce que j'étais très... tout d'un coup, ça m'a complètement déstabilisée en fait de rencontrer le rien, le vide, le peu de gens dans les rues et tout ça. Et j'ai repris le livre de Maspero et je me suis aperçu que le Nord, c'est 271 pages exactement, et le Sud, c'est à peine 40 pages. Donc je pense que dans le ratio, ça dit quand même quelque chose qui a peut-être moins à voir au Sud qu'au Nord. Mais aussi parce que je pense que dans ce que j'ai vu, après j'ai pas envie de tirer des conclusions hâtives parce que j'y suis allée que 3 jours et que c'est peu encore pour déterminer, mais c'est évident que l'occupation de l'espace dans le Nord n'est pas du tout la même que dans le Sud. Et dans le Sud, en fait, les gens sont... Enfin, c'est des petites rues pavillonnaires avec des grosses maisons en meulière ou des maisons de maître. Et c'est vrai qu'il n'y a personne dans les rues. C'est assez fou, en fait. J'ai rencontré personne. Les gens avec qui j'ai parlé sont les gens dans les cimetières. Ce sont les gardiens des cimetières, notamment le cimetière de Bagneux. Il y a un super gardien qui s'occupe de la tombe de Barbara où j'ai passé 2 heures à essayer de trouver l'inspiration grâce à elle. Et le cimetière de Arcueil-Cachan, qui était super. Un très vieux cimetière, un des plus vieux de la région, je crois. Et il m'a fait le tour du propriétaire. Il m'a montré, par exemple, là où était enterré celui qui a inventé l'eau de Javel, si tu veux. Donc j'ai passé 1 heure avec lui. Mais c'est à peu près les seuls gens à qui j'ai parlé. Hein. Ça dit peut-être quelque chose. Hein. Encore une fois, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Je vais aller tout au bout jusqu'à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Donc il me reste à faire le parc de Sceaux, la Croix de Bernis, Antony, la Fontaine Michalon, les Baconnais, Massy-Verrières, Massy-Palaiseau, Palaiseau, Palaison-Villebon, Lozère, Le Guichet, peut-être que je vais sauter certaines gares, Orsayville, Bure-sur-Yvette, La Haquinière, Gives-sur-Yvette, Courcelles-sur-Yvette et Saint-Rémy-de-Fureuge. Alice Diop, voyage au pays du réel. Prise de son, Christophe Papon et Yvan Turc. Mixage, Bernard Laniel. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anna Schmuck. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter dans le RER, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, plan large sur l'école de la Cinéfabrique. Mais en attendant, restez à l'écoute.